Le papa de fin de semaine vient chercher son enfant. Sa part de rêve de Kiri, de je t'aime. Il invente des histoires de douceur pour éloigner les loups, les robots, les soldats. Il demande aux petites mains d'y jouer dans les cheveux. Il regarde ce corps d'enfant envahi de sommeil, souhaitant que la vie le rendra heureux, en souhaitant que la vie n'éteigne pas un jour la lumière de ses yeux. Le papa de fin du mois est perdu tour avec les semaines. Il arrive les bras chargés de cadeaux, c'est plus comment dire non de toute façon. Ce serait trop long. Dimanche pour sortir de la maison, y a des films, le restaurant et tous les trucs en passant. Dans sa tête, y est déjà rendu au lundi. Dans sa tête, il se voit déjà prendre un répit. Le papa de fin du mois. Le papa de fin d'année. Il passe son temps à voyager, qu'il soit marin, commis ou chanteur. De toute façon, c'est la même part. Reçoit des nouvelles venant d'ailleurs, écrit parfois pour étouffer des remords. Dans une valise, dans un passeport, comme un porte-bonheur. Un enfant qui sourit d'un air moqueur. Papa de fin d'année. Le papa de fin de vie a peur de mourir seul, sait plus par où commencer, se rattrape à coups de soupirs, à coups de souvenirs. Se sent mal d'avoir été absent si longtemps. C'est le cœur qui part et demande à quelqu'un d'être pour un instant son papa de fin de journée. Papa de fin de journée.